Deuxième partie, chapitre 1er. La netteté de mes souvenirs à partir de ce moment m'étonne. J'acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile, avait toujours été pour moi un luxe naturel, j'y avais toujours vécu. Or voici que ces quelques jours m'avaient assez troublée pour que je sois amenée à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par toutes les affres de l'introspection sans, pour cela, me réconcilier avec moi-même. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'égard d'Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce. Mais, après tout, pourquoi me juger ainsi? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver ce qui arrivait? Pour la première fois de ma vie, ce moi semblait se partager, et la découverte d'une telle dualité m'étonnait prodigieusement. Je trouvais des bonnes excuses, je me les murmurais à moi-même, me jugeant sincère, et brusquement un autre moi surgissait qui s'inscrivait en faux contre mes propres arguments, me criant que je m'abusais moi-même, bien qu'ils eussent toutes les apparences de la vérité. Mais n'était-ce pas en fait cet autre qui me trompait? Cette lucidité n'était-elle pas la pire des erreurs? Je me débattais des heures entières dans ma chambre pour savoir si la crainte, l'hostilité que m'inspirait Anne à présent, se justifiait, ou si je n'étais qu'une petite jeune fille égoïste et gâtée en veine de fausse indépendance. En attendant, je maigrissais un peu plus chaque jour, je ne faisais que dormir sur la plage, et au repas, je gardais malgré moi un silence anxieux qui finissait par les gêner. Je regardais Anne, je l'épiais sans cesse, je me disais tout au long du repas, ce geste qu'elle a eu vers lui, n'est-ce pas, l'amour, un amour comme il n'en aura jamais d'autre. Et ce sourire vers moi avec ce fond d'inquiétude dans les yeux, comment pourrais-je lui en vouloir? Mais soudain elle disait, quand nous serons rentrés, Raymond, alors l'idée qu'elle allait partager notre vie et intervenir me hérissait. Elle ne me semblait plus qu'habileté et froideur. Je me disais, elle est froide, nous sommes chaleureux. Elle est autoritaire, nous sommes indépendants. Elle est indifférente, les gens ne l'intéressent pas, ils nous passionnent. Elle est réservée, nous sommes gais. Il n'y a que nous deux de vivants, et elle va se glisser entre nous avec sa tranquillité. Elle va se réchauffer, nous prendre peu à peu notre bonne chaleur insouciante. Elle va nous voler tout comme un beau serpent. Je me répétais, un beau serpent, un beau serpent. Elle me tendait le pain et soudain je me réveillais, je me criais, mais c'est fou, c'est Anne, l'intelligente Anne, celle qui s'est occupée de toi. Sa froideur et sa forme de vie, tu ne peux y voir du calcul. Son indifférence la protège de mille petites choses sordides. C'est un gage de noblesse. Un beau serpent. Je me sentais blêmir de honte. Je la regardais. Je la suppliais tout bas de me pardonner. Parfois, elle surprenait ses regards et l'étonnement, l'incertitude, assombrissait son visage, coupait ses phrases. Elle cherchait instinctivement mon père des yeux. Il la regardait avec admiration ou désir, ne comprenait pas la cause de cette inquiétude. Enfin, j'arrivais peu à peu à rendre l'atmosphère étouffante et je m'en détestais. Mon père souffrait, autant qu'il lui était dans son cas, possible de souffrir. C'est-à-dire peu, car il était fou d'Anne, fou d'orgueil et de plaisir, et il ne vivait que pour ça. Un jour, cependant, où je somnolais sur la plage après le bain du matin, il s'assit près de moi et me regarda. Je sentais son regard peser sur moi. J'allais me lever et lui proposer d'aller à l'eau avec l'air faussement enjoué qui me devenait habituel, quand il posa sa main sur ma tête et éleva la voix d'un ton lamentable. « Anne, venez voir cette sauterelle, elle est toute maigre. Si le travail lui fait cet effet-là, il faut qu'elle s'arrête. » Il croyait tout arrangé et sans doute, 10 jours plus tôt, cela eut tout arrangé. Mais j'étais arrivée bien plus loin dans les complications et les heures de travail pendant l'après-midi ne me gênaient plus, étant donné que je n'avais pas ouvert un livre depuis Bergson. Anne s'approchait. Je restais couchée sur le ventre dans le sable, attentive au bruit étouffé de ses pas. Elle s'assit de l'autre côté et murmura. C'est vrai que ça ne lui réussit pas. D'ailleurs, il lui suffirait de travailler vraiment au lieu de tourner en rond dans sa chambre. Je m'étais retournée, je les regardais. Comment savait-elle que je ne travaillais pas? Peut-être même avait-elle deviné mes pensées. Je la croyais capable de tout. Cette idée me fit peur. « Je ne tourne pas en rond dans ma chambre, » protestai-je. « Est-ce ce garçon qui te manque ?» demanda mon père. « Non !» C'était un peu faux. Mais il est vrai que je n'avais pas eu le temps de penser à Cyril. Et pourtant, tu ne te portes pas bien, dit mon père sévèrement. Anne, vous la voyez? On dirait un poulet qu'on aurait vidé et mis à rôtir au soleil. Ma petite Cécile, fit Anne, faites un effort, travaillez un peu et mangez beaucoup. Cet examen est important. Je m'en fous de mon examen, cria-je. Vous comprenez, je m'en fous. Je la regardais désespérément, bien en face, pour qu'elle comprît que c'était plus grave qu'un examen. Il fallait qu'elle me dise « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Qu'elle me harcèle de questions, qu'elle me force à tout lui raconter. Et là, elle me convaincrait, elle déciderait ce qu'elle voudrait. Mais ainsi, je ne serais plus infestée de ces sentiments acides et déprimants. Elle me regardait attentivement. Je voyais le bleu de Prusse de ses yeux, assombri par l'attention, le reproche. Et je compris que jamais elle ne penserait à me questionner, à me délivrer, parce que l'idée ne l'effleurerait pas, et qu'elle estimait que cela ne se faisait pas. Et qu'elle ne me prêtait pas une de ces pensées qui me ravageaient, ou que si elle le faisait, c'était avec mépris et indifférence, tout ce qu'elle méritait d'ailleurs. Anne accordait toujours aux choses leur importance exacte, c'est pourquoi jamais, jamais je ne pourrais traiter avec elle. Je me rejetais sur le sable avec violence, j'appuyais ma joue sur la douceur chaude de la plage, je soupirais, je tremblais un peu. La main d'Anne, tranquille et sûre, se posa sur ma nuque, me maintint immobile un instant, le temps que mon tremblement nerveux s'arrête. « Ne vous compliquez pas la vie, dit-elle. Vous qui étiez si contente et si agitée, vous qui n'avez pas de tête, vous devenez cérébrale et triste, ce n'est pas un personnage pour vous. Je sais, dis-je. Moi, je suis le jeune être inconscient et sain, plein de gaieté et de stupidité. Venez déjeuner, dit-elle. Mon père s'était éloigné. Il détestait ce genre de discussion. Dans le chemin, il me prit la main et la garda. C'était une main dure et réconfortante. Elle m'avait mouché à mon premier chagrin d'amour. Elle avait tenu la mienne dans les moments de tranquillité et de bonheur parfait. Elle l'avait serrée furtivement dans les moments de complicité et de fou rire. Cette main sur le volant ou sur les clés le soir, cherchant vainement la serrure. Cette main sur l'épaule d'une femme ou sur des cigarettes. Cette main ne pouvait plus rien pour moi. Je la serrais très fort. Se tournant vers moi, il me sourit.